creux de la vague. Je dérivais en attendant un arc-en-ciel. J'étais perdu entre la mer et le soleil. Je cherchais pour me sauver. Pour me sauver, une fille pour l'été. Toi, tu m'as pris dans tes voiles. J'allais me perdre corps et bien dans l'océan. Tu es venu à bord tout blanc. J'ai trouvé pour me sauver une fille pour l'été. J'ai trouvé pour me sauver une fille pour l'été. Viens, je t'emmène en croisière.